C'est triste que Babylon triche et qu'il trick pour me freeze ma carrière. One, j'étais classé numéro 1, number 1. Peak, mes beats étaient live, mais mes lyrics étaient trop real. Mais aujourd'hui, avec un esprit suicide, c'est dur de suivre les mêmes nobles. Les jaloux m'ont détruit. Faut pas comprendre, bah, I la fucked up. Big up, shortcut et le double S. Ce qu'on fait de ma vie, des rêves, des souvenirs. Passe pour ce qui est de l'avenir. Même si je suis plus que tranquille, le pire reste à venir. Passe pour moi, Babylon là, son crime organisé. One. Guan, peace, the rain, Quan. Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? À partir d'aujourd'hui, c'est plus important que mes lyrics soient fat. Le monde juge mes paroles puis mes skills. J'suis rendu trop loin dans l'avenir à ma compétition. Bonne chance. Moi j'étais trop loin, parler de Babylone. Comme j'en ai parlé, provoque des réactions. Danger, peut-être qu'il y a neck. Maintenant ils veulent me... Avec une histoire qui date l'hiver 95. On est en février 97. Chants qui vont pendre comme un esclave pour avoir fréquenté une blanche. Maman, papa, comment ça va? Moi, ok, mais bientôt je vais partir. Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? J'ai trop d'âmes pour agresser une femme. Anyway, je serais pas capable d'agresser une femme. C'est fou, one. Même ça qui pisse, ça qu'a réalisé. Que casser, elle mène au pégé. Intention, vrai pire, ça sert envers la main à Haïti. Et toute femme, c'est dur, pis je suis sûr que quand je vais te retrouver, garçon tranquille, la baby va trouver d'autres blablabla à mettre sur le pack-sac. Comme ils ont fait à l'autre, là, champion de karaté, c'est laid. Ça les fait trop chier qu'un bâtard métis adopté ait réussi à dominer les palmarès du Québec des presses. Comme Fugees, Casey Edelman Opie a eu deux choses à TV's. Les premiers, quatre shows à radio, les pionniers. Et le premier album hip-hop non-stop. Merci à Dieu, mes amis, mes ennemis, CSV, GC, ma famille adoptive, ma soeur Queen, Abdelhaziz, Yassine, Saïd, Isma, mon demi-frère Jason, mon cousin José et mon ami Clifford. Dormez en paix, moi je suis à la guerre, pour moi, c'est fini la paix. Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir? Qui peut deviner l'avenir?